que le canon fait un bruit d'enfer. Je dis aux enfants que c'est le tonnerre. Ils font semblant d'y croire à mes histoires, mais ils ne jouent plus depuis tant de part. Une fumée noire jamais ne s'efface. Je n'aperçois plus l'arrivée d'en face. Notre rivière n'est qu'une frontière. La rive blanche, la rive noire. Mais j'ai confiance, j'ai gardé confiance. De l'autre rive, un jour tu nous reviendras. Dans notre jardin fanent les lilas. Les enfants souvent me parlent de toi. À toutes leurs questions, je leur réponds que tu seras là avant les moissons. Mais au fil du temps, moi je n'y crois plus.